Chapitre 8e. Wolsey, ayant attendu vainement Catherine Gordon dans celui de ses appartements où elle l'avait invité à se rendre en toute hâte, conçut d'affreuses inquiétudes au sujet de cette absence. Des recherches furent faites aussitôt par son ordre. Il les dirigea lui-même, et la malheureuse jeune femme fut trouvée évanouie et baignée dans son sang à l'endroit même du passage souterrain où, victime de son dévouement pour le cardinal, elle avait été frappée dans l'ombre à sa place par le poignard des deux assassins. Ses blessures étaient graves, mais pour son organisation frêle et impressionnable, les émotions des deux dernières journées avaient été plus mortelles encore. Elle fut rapportée chez elle et placée expirante sur sa couche, surmontée d'un dais, où la rose blanche, brodée en argent sur velours bleu, figurait à la fois l'écusson royal de sa maison et le symbole de sa pure et suave nature. Catherine, en ce moment suprême, semblait plus belle que jamais. Elle avait en effet cette beauté anglaise qui se compose des traits les plus fins, des couleurs les plus adoucies, des formes les plus délicates. Elle avait cette jeunesse éternelle des filles d'Albion, et ce calme et cette dignité pleine de douceur qui les distingue. La pâleur de son visage en augmentait encore le charme angélique. Lorsque son évanouissement eut cessé par les efforts de l'art, elle rassembla le peu de force qui lui restait, et s'adressant à l'homme pour qui elle mourait, et qui, aussi pâle qu'elle et désolée, s'était mis à genoux devant son lit de douleur, et mouillé de pleurs une de ses mains déjà froides et inertes, elle lui dit d'une voix lente et épuisée « Wolsey, le temps de votre fortune est passé, à jamais peut-être. Si vous vous êtes montré digne dans la prospérité de toutes les faveurs du sort, montrez-vous, dans vos revers, non moins digne de ses rigueurs. Luttez jusqu'au dernier moment, car dans le cirque de la vie, il faut, quand le gladiateur succombe, que ce soit les armes à la main. Ces papiers que vous voyez là rendront du moins le combat plus égal. Ils renferment d'importantes révélations sur les sinistres desseins de vos ennemis, sur les complots de ces nobles aux mains de qui la calomnie a remplacé l'épée, et de ces moines aux mains de qui le crucifix a fait place au poignard. Ami, que ce soit là mon dernier présent, comme mon dernier conseil. Catherine, Catherine, ne m'abandonnez pas. Ne retournez pas encore au ciel, veillez sur moi. Vous n'aurez plus besoin de moi ici-bas. Et peut-être en aurez-vous besoin là-haut. Mais si mes prières sont impuissantes, je vous le répète, Milord, acceptez avec dignité les rudes épreuves que Dieu peut vous réserver. C'est une chose noble et belle que la vue d'une illustre infortune. C'est un beau spectacle pour les cieux et une grande leçon pour la terre. Adieu, ami. Je vais vous attendre dans un monde où du moins chacun est récompensé selon ses œuvres. Encore une fois, adieu. Telles furent les dernières paroles de Catherine Gordon. Quelques heures après, elle avait cessé de vivre. Comment peindre la douleur de Wolsey? Son étoile semblait s'être éteinte avec la vie de cette femme qui n'avait su qu'aimer et qui avait accompli tant de grandes choses pour lui avec cette seule science. Pendant cette funeste journée, il vécut de la vie des ombres, sans pensée, sans force, sans volonté. C'était au moment même de l'orage que le marin avait perdu sa boussole. Quelques jours après cette perte irréparable, Wolsey, rappelé au sentiment de sa conservation par les attaques plus acharnées que jamais dont il était l'objet, donna l'ordre d'arrêter Edward Buckingham et le fit enfermer dans la tour de Londres. Il fut accusé d'avoir conspiré dans le but de succéder à Henri VIII sur le trône d'Angleterre et aussi d'avoir pris part à un attentat contre la vie du cardinal ministre et d'avoir entretenu des relations sacrilèges avec l'astrologue Hopkins. Condamné pour crime de haute trahison, Edward Buckingham fut conduit à l'échafaud, revêtu de la robe de laine blanche des criminels, avec les sandales et la couronne d'épines. Il avait caché sous les feuilles d'ortie qui formaient cette couronne expiatoire l'écusson aux armes d'Édouard III. C'était sa dernière protestation au nom de ses ancêtres. Arrivé au lieu du supplice et monté sur une estrade couverte de longues draperies noires parsemées d'argent, il s'écria, en montrant le fleuron royal qui ornait sa funèbre couronne. « Mon règne a commencé au premier degré de l'échafaud, et au dernier, un coup de hache va le finir. » Les officiers publics, craignant l'effet que sa parole pourrait produire sur une multitude dont les dispositions paraissaient favorables, ordonnèrent aux exécuteurs de couvrir sa voix par le bruit de leurs horribles préparatifs. Un des aides se mit à rouler avec force sur le plancher de l'échafaud, la bière, qui devait recevoir le corps du supplicié, et la traîna jusque devant le bio. Bientôt après, le bourreau trancha une illustre tête. Le cardinal ministre était dans son cabinet du palais d'York, au milieu de ses nombreux secrétaires, et remplissant les fonctions de chancelier, lorsqu'on vint lui annoncer que Buckingham avait subi sa sentence. En même temps, un des hommes de sa maison, accouru au galop d'un rapide cheval, vint lui dire qu'on lui amenait Sir Amyas Paulet, qu'on avait enfin découvert. Wolsey venait de tuer un de ses ennemis et l'autre tombait en son pouvoir. C'était pour lui deux bonheurs à la fois. Sir Paulet arrivait dans la voiture même que le cardinal l'avait envoyé pour l'arrêter. Il était accompagné des deux hommes d'armes chargés de ce soin et aussi de quelques cavaliers de la maison du roi. Le messager ajouta que le duc de Suffolk avait été saisi dans la cour extérieure du palais d'Henri VIII à l'instant où il venait sans doute d'implorer vainement la protection du prince. La femme dont la reconnaissance toute puissante avait une première fois sauvé Lord Paulet de la vengeance du cardinal, Catherine Gordon, n'existait plus. Ce fut donc avec une joie sans réserve que l'ancien prêtre de Suffolk vit arriver le seigneur suzerain dont le château lui avait servi jadis de prison, l'homme qui l'avait fait charger le chêne au temps de sa jeunesse, l'ennemi qui naguère encore marchandait son sang avec un entrepreneur d'assassinat. Sir Amyas Paulet fut amené aussitôt devant lui. Sa taille colossale se dressait dans toute sa hauteur. Son épaisse chevelure fauve tombait des deux côtés de son visage dans un ordre qui eût pu sembler extraordinaire dans un pareil moment de trouble. Enfin, sa physionomie n'exprimait ni la honte, ni la crainte, ni la colère, ni la forfanterie. Elle était calme et digne. Ces deux hommes se regardèrent un instant en silence avec une joie sinistre et mal déguisée. Le cardinal était assis, Sir Paulet resta debout. Enfin, Wolsey prit la parole. « Vous devez être étonné de me revoir, Mylord, après cette nuit de samedi dernier, où vous mettiez si généreusement ma vie à l'enchère. Autant que vous le seriez vous-même, s'il vous arrivait de me revoir dans quelques jours, Mylord cardinal. » Wolsey fit un signe d'assentiment et ajouta « La destinée a pour nous des révolutions aussi rapides que bizarres, que vous ensemble. Votre grâce a raison, dit Sir Paulet, et ses coups atteignent aujourd'hui un de ceux qui, certes, semblaient pouvoir les braver toujours. J'espère que celui-là les supportera courageusement, Mylord. Je l'espère comme vous, cardinal. Il doit cet exemple à l'Angleterre. J'aime à vous voir dans de telles dispositions, Mylord, car la situation est de celle où il faut plus de courage que pour mettre à l'encan l'existence d'un ennemi. Prenez garde, Mylord cardinal, les sentences implacables, même alors qu'elles sont justes, sont souvent plus funestes à leurs auteurs qu'à leurs victimes. Un peu d'indulgence et de miséricorde ne gâte jamais rien, pas même la vengeance. Avez-vous été miséricordieux pour moi quand, pauvre jeune prêtre, je ne prenais dans un coin de vos domaines que l'ombre de vos ébéniers, que la senteur de vos haies et que le siège de vos gazons? Votre château s'est changé en ville cachot pour moi. Mais maintenant, seigneur suzerain, ton heure d'angoisse est venue à ton tour. Je te ferai crier au pied même du billet aux Sémaux, qui seront ma vengeance, comme ils seront ton remords. Souviens-toi du prisonnier de Suffolk. Ce sera ma dernière imprécation. Si j'ai quelques remords, ce n'est pas de t'avoir jeté dans mes cachots. C'est de t'en avoir ouvert la porte. J'eusse, en t'étouffant alors entre quatre murailles, épargné tes indignes outrages à cette noblesse qui te déteste, à cette noblesse que tu envies si vainement. Car, maître ambitieux, ce jouet-là ne se vole pas, c'est Dieu qui le donne. Mais, pauvre chevalier, si j'avais été jaloux de ton écusson, il m'eût été bien facile de l'enterrer avec toi dans la fosse des suppliciés. Quand, il y a peu de temps, je t'ai revu à la cérémonie de Westminster, quand je me contentais de donner pour limite à ta liberté les murs de la ville de Londres, qui donc m'empêchait de t'envoyer de l'or à Tyburn? Une femme auguste que j'avais abritée pendant l'orage et qui m'abritait à son tour. Et c'est par reconnaissance, sans doute, que naguère encore, tu voulais me faire assassiner la nuit au bord d'un torrent qui eût emporté mon cadavre afin de m'effacer tout entier de ce monde. Que veux-tu? Nous avons eu tour à tour le dessus et le dessous dans une lutte incessante, comme deux serpents qui s'enlacent en se dévorant. Mais aujourd'hui que l'un de nous l'emporte enfin, me sera-t-il permis de demander à ta grâce quel sort doit être réservé à celui-là? Le plus terrible de ceux que peuvent infliger les lois. J'ai dans mes mains la preuve de ta complicité dans toutes les intrigues des conspirateurs, des révoltés. Dès demain, tu comparaîtras devant le Parlement comme traître envers ton roi pour t'y voir condamné au châtiment des traîtres. Tu suivras de près ton complice à Tyburn et l'ombre de Buckingham sera là encore pour t'en montrer le chemin. Est-ce bien là l'irrévocable sentence que tu prononces contre le vaincu d'aujourd'hui, Oui. Songez-y, cardinal ministre, la charité chrétienne si est aux âmes pieuses comme la tienne, et la clémence aux forts. Ce sont là des vertus de dupe. Et quoi? Entre nous deux, ni pitié ni merci. Ni pitié ni merci. Il en est temps encore, Wolsey, ajouta sœur Paulette avec une humilité légèrement ironique. Songes-y, est-ce là ton dernier mot? Oui. Eh bien donc, s'écria-t-il en se redressant fièrement et en changeant tout à coup de ton et de physionomie, sois traité, Wolsey, comme tu l'as voulu. Ni pitié ni merci. Moi, chancelier d'Angleterre, au nom du roi, notre seigneur et maître, je te fais ici mon prisonnier. J'ai dans les mains la preuve de tes criminelles intrigues. Dès demain, tu comparaîtras devant le Parlement comme traître envers ton souverain, pour t'y voir condamné au châtiment des traîtres. C'est toi qui suivras de près ta victime à Tyburn, et l'ombre de Buckingham sera là encore pour t'en montrer le chemin. » À ces mots, sœur Paulette déroula le papier signé de la main du roi, à la date de ce même jour, qui le nommait chancelier d'Angleterre en remplacement du ministre déchu, et qui prononçait l'arrestation et la mise en jugement de ce dernier pour cause de haute trahison. Wolsey ne pouvait en croire ses yeux. Ce coup si terrible, si imprévu, l'avait anéanti. C'était pour la seconde fois de sa vie que la voix de cet homme attentait à sa liberté. La première fois à Suffolk, au temps de sa misère, la seconde à Londres, au comble de sa prospérité. Les cheveux de Wolsey se dressèrent à ce rapprochement fatal. Une sueur froide inonda son front, et il ne put trouver une seule parole pour maudire son ennemi triomphant. Après un moment durant lequel sœur Paulette jouit en silence de la prostration de son adversaire, sœur Paulette reprit d'un ton d'autant plus cruel qu'il était plus calme. « Ma vengeance serait incomplète, Wolsey, si tu n'apprenais de ma bouche les causes de ta disgrâce. Sache donc que c'est à toi seul, homme habile entre tous les autres, que tu dois l'imputer. » Lorsqu'après l'héroïque victoire que tu remportas sur ton digne adversaire, le moine de Hinton, l'astrologue Hopkins, tu traînas son cadavre sur la route pour le précipiter dans le torrent voisin, tu te crus vainqueur. Eh bien, de ce moment-là, tu t'es vaincu. Dans cette lutte que toi, cardinal ministre, emporté par une basse colère, tu n'avais pas craint d'engager avec un simple chartreux, tu laissas tomber sur le sable un portefeuille, dépositaire secret de toutes tes intrigues, et qui ne te quittait ni le jour ni la nuit. Or moi, ton implacable ennemi, moi que la curiosité avait conduit au point du jour sur le théâtre de ce duel peu évangélique des deux parts. » Ici le cardinal devint d'une pâleur effrayante, et une imprécation de rage gronda dans sa poitrine. Sœur Paulette continua. « Je vois à ton frisson que tu comprends tout. En effet, ce portefeuille accusateur, prêtre sans foi, ministre sans équité, favori sans reconnaissance, ce portefeuille fut ramassé par moi, et tu peux deviner quel bon usage j'en sus faire. Mon premier soin fut de demander une audience particulière à Henri VIII. En me voyant, le prince prit un aspect sévère. « Je sais, lui dis-je, que je suis en contravention aux ordres de votre majesté, en me présentant ici, exilé que je suis de la cour. Mais j'ai osé croire que votre majesté voudrait bien m'accorder quelques minutes de son attention pour l'affaire qui m'amène, quant elle à tout le reste de ma vie, pour me punir de ma désobéissance. » Henri fit un signe affirmatif. La Providence, repris-je, ayant fait tomber entre mes mains des papiers qui peuvent jeter dans l'esprit de votre majesté de précieuses lumières, mon devoir est de les lui communiquer à tout risque. Alors je posai le portefeuille sur un guéridon, et j'en tirai successivement les papiers qu'il contenait. Ce fut d'abord une copie de la lettre que tu venais d'écrire au pape Clément IV, laquelle renfermait des instructions secrètes au sujet de l'affaire du divorce. Le roi vit que ton hypocrisie s'opposait à ses plus chers désirs, que ta vénalité gagnée par les promesses de Catherine d'Aragon s'efforçait traîtreusement de rendre indissolubles des nœuds qu'il aborde, que pour arriver à ce but, ton imposture présentait sous des traits repoussants sa passion pour une des plus pauvres filles d'honneur de la reine. Qu'enfin, pour achever l'œuvre, ta perfidie montrait cette même Anne de Boleyn comme attachée aux doctrines de Martin Luther et capable, par les finesses de son esprit, de faire pénétrer l'hérésie dans l'âme d'un souverain bigot dont elle avait fait son esclave. Wolsey continuait de garder le silence. Ce fut ensuite, reprit sœur Paulette, une copie de la missive que tu venais d'envoyer dans les Pays-Bas, et où le ministre fidèle représentait Henri VIII, son maître, comme un prince mystique, à la fois débauché, entêté d'obscures discussions religieuses, d'arguties théologiques, et laissant retomber sur lui tout le poids des affaires. Wolsey continuait de garder le silence. Ce fut ensuite une lettre commencée pour Catherine Gordon, une espèce d'élégie, où l'auteur déplorait ses ennuis de cour, dégoût des grandeurs, ses quasi-royales tristesses, en la compagnie d'un prince ridicule et insensé. Misérable! S'écria enfin Wolsey, n'as-tu pas eu pitié de la douleur que tu allais causer à ton maître? En avais-tu toi-même? Lorsque comblé de ses bontés, élevé par lui à toutes les grandeurs, tu l'avilissais dans l'esprit de l'étranger, et cherchais à le priver de son bien le plus cher, de la femme qu'il aime. On ne parle ici ni de pitié ni de reconnaissance. Je te ferai crier, moi aussi, au pied même du billot, où ta tête roulera bientôt. C'est là que t'a conduit l'ingratitude. Ce sera ma dernière imprécation. » Sœur Paulette se plaisait ainsi à retourner le fer dans la blessure de son ennemi, mais il obtint un effet tout contraire à celui qu'il attendait de ses insultantes paroles. Il avait laissé à Wolsey le temps de se remettre de sa première stupéfaction. Le souvenir de Catherine, de la femme aimée d'hier, de l'ange gardien d'aujourd'hui, lui revint alors à l'esprit et ramena un peu de sérénité. Il se rappela ses adieux suprêmes, résolu d'en être digne, en supportant avec dignité le coup qui le frappait. L'espoir n'est-il pas d'ailleurs le dernier sentiment qui abandonne l'homme, surtout quand cet espoir ne l'a trompé jamais? L'homme d'état disgracié se redressa donc avec toute la majesté d'une grande infortune, en face de son insolent successeur, et lui dit avec une ironie froide et amère « Oui, sans doute, ce sont là les dernières insultes que tu me ferais jeter par les bourreaux, si c'était à moi qu'il dût savoir à faire. Mais il reste à savoir qui de nous deux leur donnera sa tête, en dénouement de toutes tes infâmes machinations. Reste à savoir, ô mon illustre et digne successeur, si en définitive ce sera le sceau de l'État ou le billot seulement que tu hériteras de moi. C'est une question qu'autant que ton prisonnier tu dois être intéressé à voir promptement résoudre. Qu'attendons-nous ici? Il n'y a que les lâches qui se plaisent à insulter ceux qu'ils peuvent tuer. Quant à moi, sois-en sûr, le cas échéant, comme j'en ai la douce espérance, je te ferai languir moins longtemps au pied de l'échafaud. Partons !»